Du 10 au 12 août prochain aura lieu la 17e édition de la classique de volleyball de plage Family Prix Jeannie Larouche. Ici Mario Fortin, maire de Normandin. C'est avec un immense plaisir que j'invite les gens à venir en grand nombre assister à une performance de haut niveau des participants provenant de tout le Québec. Venez assister à des matchs enlevants de joueurs de tout âge qui vont vous en mettre plein la vue. Nous vous attendons en grand nombre au site touristique de la Chutelourde de Normandin afin de venir encourager ses athlètes. Je veux remercier le président de la Classique, Danny Bouchard, et toute son équipe de bénévoles qui n'ont ménagé aucun effort afin de vous offrir une Classique de qualité pour cette 17e édition. Bonne chance à tous les joueurs et on vous attend en grand nombre. Vous cherchez un endroit rêvé pour vos vacances? Le site touristique Chute à l'ours de Normandin est l'endroit idéal. Situé en pleine nature, le site touristique Chute à l'ours offre des chalets et des chambres de motel. Pour réservation et information, chutealours.com ou 418-274-3411. Le site touristique Chute à l'ours est fier d'être un partenaire de premier plan de la classique de volleyball Family Prix Jeannie Larouche et vous invite à participer en grand nombre aux activités. Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de golf, c'est la chronique du club de golf de Chibougamau avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel! Bon matin, Danny! Michel, évidemment, on va parler de ce qui s'est passé cette semaine. Avant, on va parler de Pierre-Alexandre, on parle toujours de Pierre-Alexandre. Il est actuellement en coupe... Le genre de Coupe Ryder contre l'Ontario et hier, ben, le Québec a gagné 4.5 à 1.5. Après deux jours, ben, c'est l'égalité 6 à 6. Donc, c'est une journée très importante aujourd'hui pour Pierre-Alexandre. Puis, il joue en simple contre Lucas King. Donc, ça va être intéressant. C'est une formule intéressante, Québec contre l'Ontario, Michel. Hein? Ah, écoute, c'est du très, très beau calibre de jeu. Ouais. Puis, c'est certain que... Ça fait une belle compétition, ça fait une belle expérience pour les gens qui participent à ça. Mm. Ça va faire pour Pierre-Alexandre un autre plus dans son carnet. Puis comme tu disais hier avec Dave Lévesque, ils ont gagné... Non, il était avec Vincent Blanchet hier. Il était avec Vincent Blanchet hier. C'est ça. Oui, il était avec Vincent Blanchet hier. Ouais. Non, écoute, ils sont vraiment en bonne position. Puis okay. C'est une belle formule. Ben oui. Des tournois en équipe, ça fait toujours différent de ce que les golfeurs sont habitués. Mm. Toujours individuel. Tandis que là, en équipe de deux, l'approche n'est pas la même. Puis quand ton coéquipier va bien, tu peux attaquer plus. Ça ouais. donne des parties très spectaculaires. Effectivement. Il y en avait une Coupe Ryder à Chibougamau la semaine passée. Oui. La semaine dernière, on avait 20 joueurs okay. dans un 27 roues, donc trois formules différentes, un peu comme ils jouent dans le moment ouais. entre le Québec et l'Ontario. Puis l'équipe des Souriens a battu l'équipe des Sympathiques 29 à 13. OK, ils ont souri pas mal, semble-t-il, après la game. Ah, ils étaient très, très souriants. okay. Les Sympathiques étaient beaucoup moins sympathiques. OK, donc ils étaient beaucoup moins sympathiques. Michel, il y a le petit super Calcutta en fin de semaine. Cette semaine, depuis dimanche ouais. janvier, 85 joueurs, 17 équipes de 5. Chaque équipe doit jouer 3 parties de 9 roues. Durant la semaine, et samedi, toutes les équipes vont jouer en duo. Donc, on part à 10 joueurs. C'est beaucoup plus long, mais c'est un très beau défi. La température est formidable. Les soirées animées sur la terrasse sont remplies. C'est le gros happening de notre club de golf à tous les étés. Puis cette année, c'est encore... C'est encore meilleure participation, température formidable, et ça va se clôturer samedi avec un souper, soirée, et beaucoup d'animation. OK. Donc, ça va avoir lieu. C'est-tu la... donc, tu m'as dit que c'est la grosse activité, puis vous avez encore du beau temps, effectivement. Et, on s'en va tranquillement, pas vite, vers l'automne. Le championnat du club a lieu quand? En fin de semaine prochaine. OK. Donc, déjà, ça veut dire que c'est incroyable, pareil. C'est trop individuel par catégorie. Samedi, dimanche, la semaine prochaine. OK, OK. Dis-moi, les promotions cette semaine. Bon, les promotions, c'est comme d'habitude. Ouais. Deux joueurs, voiture fournie pour 50$. Okay. On a un bon accolandage. On a beaucoup d'espace de disponible pour tout le monde. Puis le parcours, encore une fois, extraordinaire cet été. C'est un délice pour les golfeurs. OK. Donc, on surveille ça. Ah, y a-t-il eu un trou d'un coup à Chibougamau, à part le tien? Évidemment, il y a eu le tien, là. Mais à part ça? Il y en a eu deux autres. OK. Et tous les deux réussis par Martin Chiasson. Ah, et puis c'est un bon golfeur, un ça. Un mois d'intervalle, tous les deux au trou numéro 6. Le dernier a eu lieu la semaine dernière. OK, OK. Donc, évidemment, donc Michel, ça fait pas mal de tours pour cette semaine? Oui, ça fait le tour cette semaine. On se reparle avec plaisir la semaine prochaine. Et on rappelle que cette chronique est une commandite du club de golf de Chibougamau.